La Maison du département accueille la nouvelle exposition de l'artiste plasticienne Laetitia Viratel. Accumulatrice de tout et collectionneuse de rien, Laetitia Viratel déniche, ramasse, collecte au gré des chemins, au fil des voyages, puis désosse et détourne pour composer un ensemble où l'imaginaire navigue parmi un subtil mélange de matières organiques, de tissus, d'ossements ou d'animaux naturalisés, assemblés pour mieux renaître. Ces matériaux collectés sont autant de prétextes à créer afin de révéler la part d'histoire et de rebondissements qui pointent en eux. Ces sculptures sont aussi teintées d'imaginaire tribal, habillées d'ailleurs et de souvenirs, façonnées par son goût pour la couleur et le foisonnement. Elles invitent à une lecture poétique de l'accumulation et à plonger dans une esthétique chargée, aussi particulière que troublante. Vernissage ce lundi 9 mars à 17h, Maison du département, 67 rue Émile Bertin à Nancy.